les couteaux dans la gorge. Et on finit rempli de douleur. On se retrouve en sueur. Les draps sont trempés et le corps humide. On ne peut plus avaler sa salive. Même la salive faut recracher. Faut du paracétamol. Même être trop prendre l'estomac à mal. Et ça n'y fait strictement rien. Pour les couteaux dans la gorge. Le foin est là. Oh non, mais la faim est là, le mal aussi. La gorge sèche. Pourtant faut se forcer à boire, sinon l'urine acide, on peut jurer. C'est pas facile. Ne comptez que sur soi dans ces moments-là, ne comptez que sur soi. Aux urgences, ils ont pas. Ils se disent, c'est normal, c'est le Covid et cette tige de bruit. C'est pathétique dans ce navire. Et cette tige dans les narines de plastique, bien raide, bien au fond. Et n'ont pas trouvé mieux que de faire pleurer pour confirmer. Et dire, et on dirait qu'ils sont contents. Tu fais partie de la bande maintenant. Mais le pire des douleurs, c'est les couteaux dans la gorge. C'est les couteaux dans la gorge. Mal aux jambes, courbatures, la fièvre, chaud, froid. À part tout ce cinéma, c'est bien les couteaux dans la gorge. Les couteaux dans la gorge. Qui pourrait. Faire à te tuer le mal d'oreille. Aussi, mais bon, c'est bien les couteaux dans la gorge.